Nous abordons l'année 1990 avec deux sujets très légers, le divorce et, en deuxième partie, le suicide. C'est pas pour annoncer les années 90, mais ça se place comme ça pour le tout début de l'année. Dans la première phase, donc le divorce, nous essaierons de percevoir les malaises sociaux et individuels qui touchent le couple et évidemment les individus qui forment ce couple. Et nous demanderons à Bernard de Montréal de nous toucher mot sur ces dimensions. Bernard de Montréal. On pourrait peut-être baisser un peu les lumières ici en avant, s'il vous plaît. Bernard, le sujet, disons, qui nous touche ce soir est le divorce. Et il y a évidemment des gens qui ont certainement connu une expérience de cet ordre. Et l'évolution du couple et sa démarche pour un homme et une femme est exposée dans son processus, à une séparation, une rupture ou à une forme quelconque de séparation. J'aimerais qu'on puisse parler des éléments dans un couple qui maintiennent un couple et aussi les éléments qui ont tendance à déclencher des atmosphères de séparation. On peut-tu attendre un peu que le mouvement se calme dans la salle? Je puisse me concentrer un petit peu. Bring the lights down a little bit. C'est quoi votre question, Rose? La question, c'est dans un couple où les gens ont, en tant qu'individus, à se donner, disons, un certain temps d'accompagnement, il y a des éléments dans un couple qui lui permettent de se contenir, de vivre ensemble. Et il y a d'autres éléments qui ont tendance à comme dissoudre un couple, à créer, par toutes sortes d'interférences, des occasions de rupture. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la possibilité que les individus ont de regarder ce qui les maintient ensemble et les autres éléments qui ont tendance, eux autres, à dissoudre le couple, à le fracturer. Quels sont ces éléments-là qui fracturent le couple et qui donnent au couple la possibilité de se maintenir ensemble? Les gens qui se rencontrent dans la vie, qu'ils en soient conscients ou non, se rencontrent dans le cadre de l'expérience de l'âme. Et dans le cadre de l'expérience de l'âme, où l'expérience de l'âme n'est pas nécessairement une expérience intelligente, c'est une expérience de mémoire. C'est une expérience qui, pour la plupart des humains sur la Terre, est reliée à un passé qui déjà est oublié de l'homme, parce que la vie de l'homme s'étend sur plusieurs vies antérieures. Et les lois de la vie demandent que tout s'équilibre au cours de l'évolution. Donc, l'homme s'incarne, meurt, mais l'homme se retrouve toujours à différents cycles, en partnership avec d'autres hommes ou d'autres femmes. J'emploie le terme « homme » dans le sens générique du terme. Et dans l'expérience du couple, les gens se rencontrent et ils vivent une expérience d'âme, donc ils sont sujets à une certaine programmation. Une programmation qui est proportionnelle à leur faiblesse et à leur force. à leurs qualités, à leurs défauts. Ce qui crée la complémentarité dans le couple, ce qui crée la dualité dans l'union, ce qui crée la tension dans la relation et aussi la relation, l'harmonie dans la relation. Le couple humain sur la Terre est un couple qui fait partie de l'involution de la conscience humaine, c'est-à-dire que c'est un couple qui se reconnaît, mais qui ne se reconnaît pas sur le plan de l'esprit, c'est-à-dire sur le plan de l'intelligence pure. Il se reconnaît sur le plan des sensations, il se reconnaît à travers les perceptions, il se reconnaît à travers les sensibilités, mais tout ceci fait partie du corps astral. Et tant que l'homme sur la Terre ne passera pas de l'involution à l'évolution, ou tant que l'homme ne passera pas de l'expérience de la conscience animique à la conscience pure, il est évident que le couple, à quelque niveau que ce soit de sa définition, le couple demeurera pour l'homme et pour la femme un champ d'expérience utile à l'âme, mais difficile pour l'ego ou plaisant pour l'ego selon la condition. Dans le cas de l'expérience de l'âme, le problème c'est que aujourd'hui nous vivons dans un temps, dans une période où les influences, les mœurs, la religion changent tellement que l'homme aujourd'hui, génériquement parlant, dans le couple, n'est plus tenu de vivre le partnership d'une façon aussi rigoureuse qu'il l'était par le passé. Il n'est plus retenu par la crainte, il est moins retenu par la culpabilité, il est moins retenu par l'excommunication de l'Église, si nous parlons de l'Église chrétienne, et ainsi de suite. Donc, dans un sens, le couple moderne, ou l'homme, génériquement parlant dans le couple moderne, a plus de chances ou d'occasions de se redéfinir dans une alliance, de se redéfinir dans l'expérience, ce qui l'amène éventuellement dans le temps à briser le couple et à le reformuler. Par contre, cette condition fait partie des forces nouvelles de notre société qui influent sur les facultés de l'homme et de la femme, leur donnant plus de liberté, plus de moins d'opposition à la rupture. Mais par contre, ceci ne permet pas nécessairement à l'être humain, à l'homme et à la femme, de redécouvrir un autre couple qui soit nécessairement à la mesure de leur esprit. Autrement dit, auparavant, le couple ou les partenaires dans le couple vivaient peut-être toute une vie à l'intérieur d'une expérience d'âme qui pouvait être heureuse ou très malheureuse, très difficile. Et aujourd'hui, à cause des temps dans lesquels on vit, on peut vivre une période quelconque de notre vie à l'intérieur d'un couple, et à un certain moment, on en sort pour en reformuler un autre. Mais le point que je veux faire, c'est que cette sorte de liberté demeure paradoxale, dans ce sens que le nouveau couple que nous créerons, que ce soit le deuxième, le troisième ou le quatrième, n'est pas nécessairement libre de la programmation de l'âme, il est simplement plus libéré en fonction des mœurs nouveaux. Et il faudra, au cours de l'évolution, que l'homme en arrive à développer une conscience mentale suffisamment avancée pour que, si, pour une raison ou une autre, il doit sortir d'un couple qui fait partie d'une ancienne conscience, qu'il en découvre et qu'il en crée un nouveau, mais cette fois-ci, basé sur la reconnaissance de l'esprit de l'autre dans un sens qui va des deux côtés. Et à ce moment-là, le couple, ce couple nouveau, ce couple qui sera réellement créé par l'homme et par la femme, sera uni dans l'esprit des deux êtres, il ne sera plus sujet à l'expérience de l'âme, donc il ne sera plus assujetti aux conditions involutives accélérées de notre société moderne. Si j'ai bien compris, l'individu, a priori, à cause de sa dynamique karmique, sa destinée ou sa programmation, ne choisit pas son couple. Il rencontre un premier couple qui pourrait être pour balancer une mémoire dans le passé. Et vous dites que, à cause de la liberté d'aujourd'hui, l'individu peut remettre en question cette programmation. Mais est-ce que la programmation, on peut reconnaître quand elle est balancée ou terminée par rapport à la mémoire, même si on n'a pas souvenance de ces vies antérieures-là? Oui, on peut le reconnaître dans la mesure où on est suffisamment mental, c'est-à-dire suffisamment desséché sur le plan émotif, pour ne pas laisser la mémoire et la qualité émotive de notre conscience personnelle influer sur le jugement. C'est très, très difficile pour les gens qui vivent une union ou qui ont vécu une union, surtout les gens d'un certain âge, les gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, de se séparer après avoir vécu, disons, 20 ou 25 ans dans l'ombre ou dans dans les ténèbres de leur propre esprit. Ils sont habitués, ils ont développé des habitudes, ils ont développé des tendances, des manières de vivre. Et souvent, ils appartiennent à un temps qui est plus reculé que le nôtre. Donc, ils ont beaucoup de mémoire, ils ont beaucoup d'affiliations avec des dogmes, ils ont beaucoup de fidélité dans un sens avec des façons de vivre qui appartenaient à un temps où les églises ou les façons de penser religieuses influaient beaucoup sur la nature de la pensée. Mais ces gens-là, même aujourd'hui, s'ils vivent dans un temps qui est accéléré, qui se déchire, trouvent très difficile de briser cette programmation parce que ils ont trop d'émotions. Les anciens, les églises ont voulu établir des normes de longévité en ce qui concerne l'union maritale pour la protection de la société, pour la longévité sociale, pour aussi l'ordre social, l'ordre dans la famille. Et ceci était bon dans le passé. C'était nécessaire. Seulement aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, l'homme est devenu plus intelligent dans ce sens qu'il a libéré une grande partie de sa mémoire antérieure parce qu'il a développé une plus grande conscience psychologique de la valeur relative qui conditionne son mental en fonction des études psychologiques, en fonction des études comparatives sur la valeur rituelle ou essentielle des religions, en fonction des valeurs relatives qui concernent l'exposition philosophique des valeurs par la philosophie, et ainsi de suite. Donc l'homme a beaucoup changé, et l'homme aujourd'hui est rendu à un point où il individualise beaucoup plus sa conscience, mais elle n'est pas totalement individualisée. Mm-hmm. Donc, les gens, surtout les gens, comme je disais, qui sont dans un certain bracket, dans un certain âge, trouvent très, très difficile de rompre cette programmation. Et c'est difficile aussi de les conseiller parce que les gens doivent prendre leurs décisions eux-mêmes. Mm. Mais l'homme, avec le temps, découvrira, dans la mesure où il se libérera de sa mémoire, qui est ancestrale, qui est limitative, qui est extrêmement émotivée, très spiritualisée. Il se libérera de cette mémoire et à un certain moment, il réalisera que, bon, le couple, il a fini son expérience dans le couple et il doit se reconnaître une identité personnelle, il doit reconnaître une identité personnelle dans son partenaire et les deux ensemble doivent continuer une vie qui convient à leur destinée, à leur bien-être et à l'équilibre psychique de leurs émotions et de leur mentalité. Ceci, ça fait partie de la nouvelle évolution. Mais aujourd'hui, les gens sont en transition vers ceci. Et ils sont en transition parce que, effectivement, nous n'avons pas encore réellement consolidé notre mémoire. Nous n'avons pas encore suffisamment étudier l'homme. L'homme ne s'est pas suffisamment étudié lui-même pour prendre des décisions. Ça fait partie de l'évolution du mental. Par le passé, nous étions en tant qu'individus extrêmement associés aux valeurs sociales, aux valeurs raciales, aux valeurs nationales, aux valeurs religieuses, ainsi de suite, aux valeurs spirituelles. Et maintenant que nous sortons de cette période-là, nous n'avons plus de valeur, donc il est très difficile pour nous autres de vivre la certitude que nous pourrons connaître demain, parce que nous sommes encore rattachés à l'incertitude du passé. Donc, les gens qui vivent leur couple aujourd'hui et qui se sentent un peu désabusés dans leur expérience ne sentent pas encore cette force intérieure qui fait partie de leur identité, qui pourrait leur donner le coup de pouce nécessaire pour prendre des décisions réellement créatives en ce qui concerne leur couple. Est-ce qu'on sait que l'on en a fini avec la programmation quand on ne se sent pas coupable dans le cas d'un divorce? Coupable oui. de toute oui. l'ambiance, la relation qu'on laisse en arrière. Oui, se sentir coupable dans cette expérience-là ou dans d'autres expériences, ça fait partie de la stupidité de l'homme. La culpabilité, c'est une violation directe du droit humain à la vie en fonction de la destinée préconçue et sue ou perçue par l'individu. Dans le fond, l'homme découvrira un jour, lorsqu'il se sera suffisamment libéré de ses mémoires ou de ses forces qui conditionnent son mental et son émotion, l'homme un jour découvrira que, effectivement, il est un être universel, c'est-à-dire qu'il est un être qui, dans son identité, représente la suprême essence ou la totale essence de l'être-té, et l'homme n'a aucune question à demander à personne, visible ou invisible, en ce qui concerne sa destinée, sa façon de vivre sa vie, sa façon de poursuivre ses objectifs et sa façon de réorganiser sa vie de couple sur le plan matériel. Cette illusion fait partie du conditionnement à tous les niveaux et à toutes les sauces que nous avons connues pendant l'histoire. Ici, au Québec, nous sommes un peu plus libres de ceci parce que nous vivons quand même dans une société qui bénéficie de l'échange ou de la transformation des valeurs entre l'Europe et l'Amérique. Mais il y a énormément de pays dans le monde, de vieux pays dans le monde, de vieilles races, de vieilles mentalités, qui sont très loin encore de pouvoir réellement réaliser l'inutilité pour l'homme de se lier d'amitié avec des formes de pensée qui coïncident avec un arriérage mental équivalent au manque de maturité de toute une humanité ou de toute une race. L'homme doit en arriver à reconnaître son identité, son individualité, mais il y a un prix. Dans le passé, nous étions supportés socialement, nous étions supportés par une myriade de formes pensées ou de valeurs. Et maintenant que nous avançons dans un temps qui est beaucoup plus axé sur le développement de l'individualité, nous sommes obligés en tant qu'individus de supporter ce que nous savons. Et c'est ça qui est difficile et c'est ça qui empêche les hommes, les couples, de se régénérer à un certain moment de la vie sans vivre cette culpabilité qui est la maudite partie de l'inconscience humaine. Est-ce que le développement de l'individualité est entravé par la vie de couple? Non, non, non, aucunement. La raison pour laquelle les gens pensent ceci, c'est parce que dans la vie de couple actuelle, dans la vie de couple évolutive, les gens s'accouplent par insécurité. C'est ce qui crée la programmation. Donc, en s'accouplant par insécurité, on va chercher chez l'autre des aspects, des valeurs ou des paramètres d'expérience qui nous conviennent, qui nous plaisent ou qui nous déplaisent. Mais ces aspects font partie de l'expérience de l'âme. Si l'homme était dans son individualité intégrale, à ce moment-là, il créerait un couple à l'intérieur duquel il y aurait une réserve intégrale face à l'identité du partenaire, et il n'y aurait aucune lacune dans l'évolution de la liberté créative individualisée il n'y aurait aucune restriction parce que ce ne serait plus une expérience d'âme, mais ce serait un mouvement de l'esprit. Dans l'expérience de l'âme, il y a dualité. Dans l'expérience de l'âme, il y a mémoire. Dans l'expérience de l'âme, il y a des forces magnétiques extrêmement puissantes. Et ce sont ces forces qui conditionnent le flux et le reflux de l'énergie émotive et mentale de l'ego, que ce soit l'ego de la femme ou que ce soit l'ego de l'homme. Alors que si la femme était dans sa parfaite individualité et l'homme aussi, ce mouvement, ce reflux et ce flux de l'âme n'existeraient pas. Il y aurait simplement le mouvement créatif de l'esprit et une entente permanente entre les deux êtres. Et l'expérience d'être en amour, qui fait tellement partie du besoin émotif de l'homme aujourd'hui, serait absolument inexistant, sans essentialité, et simplement nous découvririons chez l'homme et la femme l'être qui aime, l'état mental de l'amour, c'est-à-dire cette perception extraordinaire de l'esprit qui sait que le partenaire est en vie et non mort. Qu'est-ce qu'un couple, ou dans une structure de séparation, qu'est-ce qui fait que dans un couple, un des deux partenaires souvent a une peur de perdre l'autre, une peur qui peut l'emmener à même une forme de violence verbale, psychologique ou même physique, dans le cas de certains hommes même? Parce que les êtres sont insécures. J'ai dit tout à l'heure que les hommes, d'ailleurs pour moi le couple n'existe pas sur la Terre, on est plus ou moins accouplés. Un couple, ça se créera. Donc, les êtres sont accouplés. Et comme ils sont accouplés, d'accord, on n'aime pas le mot accouplé parce qu'on est obligé de légaliser le terme. Mais on est effectivement accouplé parce qu'on s'est rencontré dans des circonstances qui font partie du mouvement de l'âme. Donc, les gens ne se sont pas rencontrés par rayonnement interne. Ils ne se sont pas rencontrés ou perçus ou évalués en fonction de leur esprit, c'est-à-dire de leur intelligence créatrice, mais en fonction d'un mouvement de flux et de reflux basé sur différents niveaux de perception, soit de beauté, d'intelligence, de compétences, de pouvoir financier, d'éducation, ainsi de suite. Et ces valeurs sont purement animiques, ce ne sont pas des valeurs réelles, ce sont des valeurs, mais ce ne sont pas des valeurs réelles, ce sont des valeurs expérientielles. Alors que dans un couple réel, dans un couple dans le sens que je l'expliquerai si j'écrirais un livre sur le couple, je serais obligé de dire, un couple, ça n'existe pas, il faut le créer. Et pour créer un couple, il faut totalement détruire l'âme astralisée ou l'aspect astralisé de nos relations. Donc, une fois que l'homme sera capable de voir dans son partenaire simplement de l'esprit, il ne verra plus de défauts. À partir du moment où on ne voit plus de défauts, à ce moment-là, on ne voit que de l'intelligence créatrice, et à ce moment-là, la polarité des deux personnages disparaît. L'expérience de l'âme est terminée, il y a simplement le mouvement de l'esprit. Donc, vous dites que deux personnes peuvent vivre pendant, mettons, 20 ans ensemble et ne pas encore former un couple. Donc, ce n'est pas le temps qu'ils vivent ensemble. Oh non, vous pouvez être 60 ans ensemble et vous n'avez pas créé un couple. Vous êtes accouplé confortablement, point final. C'est une grosse nuance, là. C'est une très grosse nuance. Parce que accouplé répond à de l'âme. Accouplé et répond de l'âme, accouplé est en dehors du contrôle de l'homme, accouplé fait partie de l'expérience de l'âme, accouplé n'est pas prévisible, accouplé n'est pas permanent. À 100% sûr. Qui aujourd'hui peut rencontrer son homme ou sa femme et dire « dans 50 ans, on sera ensemble » sûr, le savoir. Mentalement. Mm-hmm. Autrement dit, avoir la force mentale pour éliminer les aspects du couple qui pourraient entraver à cette destinée. Très rares sont-ils. Mais il y a des gens qui veulent. Ah, mais tout le monde le veut. La petite fille qui rencontre le petit gars chez Big Mac, effectivement, aussitôt qu'ils font le contact de la main ou des doigts ou qu'ils se frottent les joues ensemble, c'est pour la vie. Mais dans le fond, c'est pour quelque temps. Oui, mais ils ne le savent pas. Là. Mais non, ils ne le savent pas. Ils espèrent. Il faut quand même que l'homme vit. L'homme de l'involution vit d'espoir. Ce qui est une grande drogue, d'ailleurs, est une très grande illusion. Vivre d'espoir, c'est l'opium pour le naïf. Il s'en vend beaucoup. Oui, effectivement, c'est la grosse drogue mondiale. Ouais. Mais la question est à savoir, c'est parce que accouplement et couple, il y a une période où l'individu doit savoir fondamentalement qu'il vit un couple. Parce que 20 ans... Qu'il crée un couple. Oui. On créera un couple. Ça se crée comment, un couple? Pour créer un couple, il faut avoir la volonté fondamentale, totale, de savoir, de pouvoir et de vouloir ne jamais faire de la peine à l'autre. C'est dans les petits détails? Dans tous les détails. C'est dans le ton de la voix, c'est dans le... Dans tous les détails. Aimer dans le sens d'une conscience supérieure, dans le sens d'une conscience supramentale, ou dans le sens d'une conscience identique à soi, c'est un état d'esprit, ou c'est-à-dire une faculté mentale de l'intelligence supérieure de l'homme, qui permet à l'homme de réaliser que dans son mouvement par rapport à un autre être, la femme, ou vice-versa, s'il y a moindrement une tendance astrale à faire souffrir l'autre, c'est un piège de l'âme. Mais les gens sont inconscients quand ils font souffrir l'autre. Mais oui, c'est de l'inconscience. Mais comment est-ce qu'une personne inconsciente de faire souffrir quelqu'un peut vouloir créer un couple s'il est inconscient? Parce qu'il ne veut pas fondamentalement faire souffrir l'autre. Non. Les gens ne veulent pas faire souffrir l'autre, mais ils le font quand même pour toutes sortes de raisons qu'ils rationalisent. Beaucoup de gens vont dire, j'ai vécu cette expérience-là contre mon partenaire, mais c'était malgré moi. Malgré moi, ça veut dire quoi? C'est ça qu'il faut étudier en psychologie. Très si vous voulez, si on veut faire une étude psychologique de cette expérience qu'on appelle l'amour, il faut réellement comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce malgré moi. Aussitôt qu'un être humain peut dire « c'est malgré moi, j'ai fait ceci malgré moi, je t'ai donné une claque sur la gueule malgré moi », à ce moment-là, il vivait une poussée d'âme. Mm-hmm. Si l'être était le moindrement dans son esprit, il pourrait contrôler cette vibration, il pourrait contrôler ce mouvement et la casser. Et il verrait que c'est très dur. Mais quand vous dites « ne pas faire souffrir l'autre », est-ce que ça tombe dans le fait d'emmener l'autre à toujours vivre dans un cadre douillet et ultra confortable, à l'abri de toute forme d'insécurité, style prendre un exemple pour un homme, le prendre une femme et la mettre dans une cage de verre? Non, ne pas faire souffrir son partenaire, ça veut dire être intelligent de son intelligence. Réaliser que le partenaire, dans sa relation avec soi, est un partenaire ouvert vers soi. Donc, je vous donne un exemple simpliste. On va prendre, par exemple, une femme. Une femme, c'est une femme. Une femme, ça ne fonctionne pas comme un homme, c'est pas fait comme un homme, heureusement. Ça ne pense pas comme un homme, ça n'émotive pas comme un homme, ça ne réagit pas comme un homme. Une femme, ça a un système de perception totalement différent de l'homme. Et l'homme, lui aussi, a un système totalement différent de la femme. Un et l'autre se complètent parfaitement. Mais si l'homme, lui, dans son gros ego macho, n'est pas capable de résister la tendance qu'il a en tant que mâle à ridiculiser la sensibilité de sa femme, les perceptions, son système à elle de vitaliser son énergie, à ce moment-là, il va vivre par rapport à elle une certaine tendance à la dominer. Mais s'il est capable de voir dans ses petits mouvements de femme qu'il a bien voulu rencontrer et qu'il a aimé au début, cette grande sensibilité, ce grand don naturel de la femme d'aimer, parce que ça fait partie de son karma, à ce moment-là, il verra que la femme, elle a des facultés d'engendrer une énergie créative dans la vie qui est totalement en harmonie avec la sienne, dans la mesure où lui ne se prend pas pour un autre, pour un facteur dominant dans la relation. Et c'est la même chose pour la femme. Si la femme réalise que l'homme a un karma très pesant sur la terre, qui est le karma du travail, qu'il doit bosser, qu'il doit travailler, et si elle réalise qu'il met tout son effort pour subvenir aux besoins de sa famille, et à ce moment-là, elle verra que oui, le soir, il faut qu'il fasse de l'overtime à 8 heures au bureau. Donc, si elle ne fait pas d'overtime à la maison, puis qu'elle se demande pas, mais y es-tu au bureau, mais on y es-tu ailleurs? À ce moment-là, la femme va réaliser que l'homme a des obligations par rapport à sa vie, par rapport à son expérience. Donc, les deux êtres sont totalement différents. Ce sont deux races différentes. Et ils doivent apprendre à se connaître, à se comprendre. Mais, on ne comprend pas une femme à travers la psychologie du mâle, et on ne comprend pas l'homme à travers la psychologie de la femme. On comprend la femme à travers son propre esprit à soi. Parce que l'esprit de l'homme ou l'esprit de la femme, c'est une quantité, c'est une entité, c'est une réalité universelle qui, à la fois, peut parfaitement expliquer l'un ou expliquer l'autre, parce que l'esprit est au-dessus de l'expérience de l'âme. Mais si nous vivons notre relation par rapport à la femme avec tous ses aspects, tous ses cette coloration de l'âme, c'est évident que la séparation, la division, le rapport entre les deux êtres va être très difficile, de temps en temps heureux, mais toujours expérientiel. Mais l'expérience de l'homme, vous dites, dans le sens karmique du terme, elle est liée au travail, la programmation de la femme est liée à l'amour. Comment ces deux êtres peuvent ne pas se faire souffrir, c'est-à-dire peuvent avoir l'intelligence dans une relation de couple de ne pas se faire souffrir, tenant compte du fait qu'ils ont une programmation à régler qui est finalement quasiment opposée dans les faits. Il faut qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent le côté occulte de l'amour. Le côté occulte. Oui. Il faut qu'ils réalisent que l'homme, que l'être humain sur la terre est un être qui est extrêmement manipulé par le plan astral, c'est-à-dire que c'est un être qui est extrêmement vibrant aux énergies du plan de l'âme. Donc, extrêmement vibrant aux énergies du plan de la mort. Il faut qu'il ait une certaine conscience, une certaine science occulte de la mort et qu'il sache comment ou à quel niveau la mort travaille et s'instruit sur le plan émotif et sur le plan mental de la conscience humaine. Il faut qu'il sache qu'il y a des mondes parallèles à l'intérieur desquels des êtres décorporalisés évoluent et travaillent aussi en relation avec l'homme de la terre, dans la matière. La vie ne se limite pas simplement à la chair. La vie va au-delà de la chair. Et il faut que l'homme réalise que tout ce qui est astral dans le cosmos, tout ce qui fait partie de ces ondes ténébreuses de la vie, a tendance à disloquer sur le plan matériel l'harmonie. Donc, c'est des forces sur d'autres plans qui engendrent l'action de la rupture. Ce sont des forces sur d'autres plans qui engendrent par vibration cette énergie qui a tendance à disloquer sur le plan matériel l'harmonie de la vie dans le couple. Il est évident que c'est plus difficile de voir ceci dans un couple, mais si nous regardons des certaines expériences humaines individuelles, on peut voir où ces forces astrales sont agissantes et même représentées télépathiquement sur le plan de l'expérience. Regardez le type, par exemple, qui souffre de folie et qui entend des voix et qui se fait dire des choses. Donc, ces voix, elles existent sur un plan parallèle. Donc, chez l'homme en général, qui est normal, qui a une certaine conscience plus balancée, ainsi de suite, qui n'est pas trop débalancé dans son corps astral, il n'entend pas ses voix, il ne vit pas ses voix dans une tonalité psychique qui empoisonne réellement l'ego d'une façon vertigineuse, comme la folie. Mais il est quand même influencé et influençable. Et ce sont ces influences qui perturbent la relation entre l'homme et la femme. Mais quels sont les enjeux pour ces plans, là, dit Astro? Quels sont les enjeux de vouloir, disons, créer une distorsion, une séparation dans une relation de couple, dans le mouvement quasi naturel de reconnaître l'esprit de l'autre? Ça fait partie des lois de la mort sur la Terre. Les lois. Vous parlez de lois, là, de que ces entités-là veulent une séparation continuelle dans les échanges que les gens ont entre eux. La mort est aussi anti-homme que La mort est anti-homme. Anti-homme à vouloir quoi? La mort est anti-homme dans ce sens que les entités, une fois qu'ils sortent du corps matériel et qu'ils s'en vont sur le plan astral, sont régis par des forces, sont régis par des lois qu'ils ne peuvent pas défier. L'homme, sur le plan matériel, ne peut pas défier la gravité. Les morts ne peuvent pas défier les lois de leur monde. Et ça fait partie des mystères de la vie sur la Terre de comprendre ceci. Une fois que l'homme aura compris qu'il y a le plan matériel, qu'il y a les plans spirituels astraux et qu'il y a le plan mental pur, à ce moment-là, l'homme pourra commencer à comprendre les lois d'influence et à ce moment-là, l'homme pourra commencer à comprendre réellement les lois de la vie d'une façon intégrale. Mais tant que l'homme, tant que la psychologie humaine ne se sera pas permise de faire de l'introspection volontaire, dans les domaines obscurs, occultes du mental humain, l'homme ne pourra pas connaître et comprendre les lois de l'influence qui influent sur son mental et qui utilisent l'énergie motive de son ego. Et à ce moment-là, l'homme, sur le plan humain, sera affecté par cette condition. Et c'est ce que j'appelle l'involution. L'involution, c'est la coordination occultée de forces psychiques, astrales, qui travaillent contre l'homme. Et c'est ce qui a fait que l'homme, depuis des millénaires, a perdu conscience, n'a jamais réalisé son identité et a toujours été bafoué mentalement et philosophiquement par les grandes questions fondamentales. D'où je viens, où je suis et où je vais. Ce n'est pas normal qu'un être humain ne sache pas d'où il vient, où il est, où il s'en va. La seule raison que nous sommes prisonniers de ces trois questions minotauresques, c'est parce que nous n'avons pas accès à notre esprit. Nous sommes des êtres qui vivons pas inconsciemment par rapport à les forces astrales de l'âme. Nous avons des contrats qui ont été établis avant la descente dans la matière, donc nous avons un partnership avec l'astral. Et un jour, pour que l'homme passe de l'involution à l'évolution, il lui faudra comprendre ceci. La philosophie, elle est morte, elle est impuissante à comprendre ceci. La psychologie actuelle est impuissante à comprendre ceci. Les hommes qui entreront dans les domaines occultes de la conscience humaine seront obligés de prendre conscience que la science de l'esprit, la science du mental, la science de la pensée, l'origine de la pensée, le monde de la pensée, les lois de la pensée, sont des lois qui doivent être comprises comme les lois de la gravité sur le plan matériel. Donc à ce moment-là, l'homme dans son couple, pour revenir au couple, comprendra parfaitement ces lois, il ne sera plus assujetti à la programmation, il ne sera plus assujettissable à la programmation, et il n'aura plus besoin de petits papiers pour le garder en relation harmonieuse et permanente avec son partenaire. Je suis très intéressé par le fait de voir qu'un individu a un contrat avec l'astral. Mais la possibilité, habituellement, quand on a un contrat, on peut le lire en tout temps. C'est marqué dans quelque chose, sur papier, ou c'est d'une entente verbale. Il y a une définition en soi. Comment l'individu peut atteindre, je dirais, cette prise de conscience du contrat qu'il a avec l'astral pour finalement le régler avec, pour pouvoir avoir la paix après? Il doit prendre conscience. Oui, mais comment? L'homme doit prendre conscience de l'astral. Comment prendre conscience de l'astral? Oui. À partir du moment dans la vie où vous vous faites fourrer, vous devez savoir pourquoi. Si dans la vie, vous vous faites... Si vous vivez de la souffrance? Si vous vivez de la souffrance dans la vie, vous êtes astralisé. Mm-hmm. La vie, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Les hommes pensent que la vie, c'est une expérience sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Ça, c'est une illusion. Ça fait partie de l'illusion de l'astral. Les hommes, pendant des millénaires, ont voulu comprendre la vie. Ils l'ont poétisé, ils l'ont philosophisé, ils ont tout fait pour la comprendre. Mmh. Et aujourd'hui, on est rendu à la fin du 20e siècle, 1989. Nous avons étudié la matière, mais nous n'avons pas étudié la vie. Et nous nous sommes refusés d'étudier la vie occultement parce que nous avons préféré, pour des raisons d'orgueil mental, de regarder les choses matérielles avec une objectivité dite scientifique et avons refusé de comprendre et de réaliser que nous pouvons aussi regarder le côté occulte de la vie d'une façon objective et scientifique. Et tant que l'homme ne se le libérera pas de sa naïveté philosophique, de ses craintes et de son orgueil surtout mental face au côté invisible de la vie, il ne pourra pas commencer à mettre le doigt sur la réalité objective de l'astral, donc il ne pourra pas communiquer télépathiquement avec l'astral, il ne pourra pas reconnaître les jeux de l'astral, il ne pourra pas reconnaître les jeux à l'intérieur de son intuition, qui est une forme d'intelligence imparfaite mais utile. Il ne pourra pas reconnaître que, en effet, il est un être sans gouvernail. Il le saura par expérience, mais il ne connaîtra pas pourquoi. Donc, il ne pourra pas réellement briser les forces en lui qui sont occultes, voilées, et qui se cachent derrière le masque de la pensée subjective, pour en arriver finalement à dompter cette dimension de son être, à casser le pouvoir de la mort sur sa conscience, et finalement entrer en fusion ou en union créative avec son propre esprit, sa propre source, sa propre lumière, sa propre intelligence créatrice. Je vous soumets un cas qui peut apparaître, disons, anonyme, là. Un individu est exposé, après quelques années de vie avec une personne, que ce soit une femme ou un homme, il est exposé à devoir faire comme un choix, vivre sa vie d'une façon, disons, plus libre en expression, et dans un sens, abandonner ou laisser son partenaire des fonctions qui avant, disons, évidemment, étaient laissées pour compte et qui, là, aujourd'hui, doit s'occuper parce que lui veut s'occuper de sa vie et prendre une certaine autorité, une certaine forme d'autonomie, comme on dit souvent dans le langage. S'il est manipulé par l'astral, cet individu agira d'une façon à faire souffrir son partenaire. Comment cet individu, qui fait ça en toute conscience pour pouvoir, disons, se donner plus de force, plus de gravité, d'intensité et de puissance, comment cet individu peut reconnaître son contrat avec l'astral, si c'est l'astral qui lui répond, et comment il peut trouver son esprit dans les gestes ou dans l'action qu'il va poser. En d'autres termes, un individu laissé à lui-même dans la vie, là, qui se veut autonome, célibataire, qui rompt dans une relation de couple, qui finalement s'établit un dialogue juste par rapport à lui-même, comment cet individu peut reconnaître sa programmation, donc son contrat avec l'astral, s'il réussit, parce qu'on a de l'information, à dialoguer avec un plan invisible, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas l'astral qui va nous dire ce qui se passe, et comment on peut reconnaître qu'il y a de l'esprit dans le mouvement qu'on fait? Ben, c'est pas facile de voir les nuances, là. Il y a de l'esprit dans ce que l'on fait, dans la mesure où il y a de l'intelligence dans ce que l'on fait. Il y a de l'intelligence dans ce que l'on fait, dans la mesure où il n'y a pas de crainte dans ce que l'on ressent. OK. Donc, quand il n'y a pas de crainte, c'est de l'esprit. Tant qu'il n'y a pas de crainte, d'insécurité, de l'intelligence, dans de la lumière, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'insécurité, c'est clair, net, précis. Ça se supporte par soi. Okay. Ça a sa propre dynamique. Okay. Donc, tout le reste, l'insécurité, la jalousie, toute cette fabrication de la personnalité humaine qui ne fait pas partie de la personne humaine, qui ne fait pas partie de l'identité humaine, ça, c'est la condition ou ce sont les conditions qui empêchent l'homme de rentrer dans son identité. L'homme ne peut pas entrer dans son identité lundi matin à 8h30. Ouais. Okay. C'est un processus. C'est un processus qui est proportionnel à l'élimination graduelle de tous ces facteurs qui font partie de la personnalité évolutive. Donc, pour répondre à votre question, vous avez un couple. Je vous donne un exemple parce que j'ai eu une expérience dernièrement que j'ai vue. Vous avez un couple, une femme, une bonne femme. Elle est mariée à un type. Ils ont un certain âge, qui a une tête de cochon, mais une calice. Tu sais, il y en a qui en ont des... Bon. C'est le genre de tête de cochon. Bon, excusez mon langage, mais j'aime le bon québécois. Donc, la bonne femme, elle aime son mari, ça fait longtemps qu'elle est mariée avec. Il y a toute une histoire, c'est un logbook. Ça fait 30 ans que ça dure, 35 ans que ça dure. Mais, puis lui, comme je dis, il a une tête de cochon. Bon. Ça prend combien d'années pour qu'une femme réalise que son mari, c'est une tête de cochon, puis il n'y a plus rien à faire avec? Il n'y a plus de sève dans le bois. Hein? Bon, ça peut prendre bien des années. Parce que elle, c'est une émotive. Parce que elle a peur d'être seule. Parce qu'elle a peur de manquer d'argent. Parce qu'elle a ci ou parce qu'elle a ça. Fait qu'elle a le choix de rester avec une tête de cochon qui va devenir encore plus entêté avec le temps, parce que le crâne diminue avec les années. Puis elle a peu, à cause de son insécurité, puis son rationalisme de petite femme, puis de tout ça, a pu se leurrer dans l'impression que si elle ne le lâche pas, sa vie est à terre. Un être humain, ça se met pas à terre. Une loque humaine, oui. Mais un être humain qui a moindrement d'intelligence, il n'a pas besoin de gros gros, mais il en faut un peu. De la volonté, pas gros gros, mais un peu. Un être humain qui a un peu de substance, ça se met pas à terre, un être humain. Une loque humaine, oui. Mais un être humain qui est rendu à un point, qui réalise, il y en a-t-il une crise de tête de cochon? Mais il faut le réaliser. Si elle ne réalise pas, ou elle sait qu'il y en a une, mais elle a peur de le sacré là, parce que des petites scènes, puis tout ça, là. Ben à ce moment-là, il finit à bonne fin. Fait que viens pas me voir, moi, puis dire, ben, Monsieur Bernard de Montréal, pensez-vous que je devrais le crisser là ou le garder? C'est pas de mes affaires! Va dire, faites ce que vous voulez. Moi, je donne pas de conseils à personne. J'explique des choses. Parce que, si je dis, Chris est là, puis qu'elle Chris là, puis que lui, il a une crise cardiaque, c'est moi qui vais être responsable. Fait que je dis rien, puis je dis jamais rien, puis je dirai jamais rien. Je peux regarder quand est-ce qu'elle va le faire, ou si elle le fera pas. Ça, je le sais. Mais je vais pas y dire. Ça fait que... Donc, dans votre exemple, la personne, si elle ne fait pas un mouvement là avec tout le contexte qu'elle a par l'insécurité, elle est dans une programmation. Donc, elle est dans une programmation, puis lui aussi, il est dans une programmation, parce que lui, il est dans l'illusion à cause de sa tête de cochon, qu'il a raison, puis que la petite main, il faut qu'elle passe par là, puis demain que ça marche, parce qu'il fait partie d'un autre temps. C'est ça. Fait que lui est dans son illusion, puis elle dans son illusion, fait que les deux vivent leur karma. OK, par contrat. Avec l'astral. Par contrat avec l'astral, puis ça va de loin, ça. OK. Mais la conscience de leur contrat, là, si on leur dit, disons, à soir, votre souffrance et la conscience de votre contrat, le jour où ils décident de faire un mouvement pour casser cette souffrance-là... Ces deux-là, s'ils prenaient la conscience du contrat, ils se crisseraient là-dessus. C'est parce qu'ils n'ont pas cette conscience-là qu'ils peuvent pas le faire. OK. Prochain point qui vient. Ils prennent conscience du contrat... Comme vous dites, ils se laissent. Est-ce que ça leur garantit que le prochain mouvement vers une autre forme d'association pour un couple, est-ce que ça leur garantit une relation dans l'esprit? Dans la mesure où ils ne s'énervent pas pour en former un autre. Vous voulez dire de se dépêcher? Ouais. Parce qu'il y en a qui attendent longtemps. Ouais. Parce que ce qui arrive, c'est que les gens, bon, là les gens, ils ont fait une rupture, le couple ne marche plus, là. Fait que, ils ont pris conscience. Marche plus. Ils ont pris une certaine conscience. Ils ont bien arrangé ça. C'est bien fait. Mais là, ça commence à les chatouiller encore. Parce que l'homme est de la misère à vivre tout seul. Puis la femme est de la misère à vivre tout seul. Ouais. Fait que là, ils s'ennuient. Ça s'ennuie. Fait que là ils s'énervent. Là, ils se font une autre couple trop vite. Prends ton temps. Regarde-le le bonhomme. Regarde la bonne femme. Il n'y a pas que les jambes. Puis la job. Y a-tu de l'esprit? As-tu de l'esprit? Y a des gens qui me disent un homme puis une femme, ça doit être différent. Les gens devraient être différents. L'homme puis la femme devraient être pareils. Mais tu peux être pareil si ton partenaire a de l'esprit. Si ton partenaire a de l'esprit, si tu choisis ton partenaire en fonction de son esprit, puis lui, tu choisis en fonction de ton esprit, vous êtes pareil dans l'esprit. Okay. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas cette impression qu'ont les gens que dans un couple, il y en a un qui devrait être d'une façon, puis l'autre de l'autre façon. Quand on vise une différence au niveau, en tout cas, des comportements, c'est ni plus ni moins qu'une extension au contrat, là. Ça fait partie de l'extension au contrat. Moi, je suis un homme d'expérience, je voyage, ainsi de suite, puis je vis à différents niveaux, puis j'ai ma femme, ainsi de suite. Puis, moi et ma femme, on est pareil, dans la tête, dans l'esprit. Là. Vous connaissez ça? Vous... Si je dis à ma femme le matin, bon, on prend l'avion, on s'en va au Tibet, ou on prend l'avion, on s'en va dans la jungle, ou whatever it is, si c'est intelligent, elle va le savoir, puis on y va. Si c'est pas intelligent, elle va me le dire, elle va dire, ouais, c'est vrai, c'est pas intelligent, on y va pas. Fait qu'on est pareil dans l'esprit. Mais si c'est au niveau de la personnalité, là on aurait des différences. Mais je reviens à cet élément-là. Vous dites c'est pareil dans l'esprit, mais il y a beaucoup d'années pour en arriver à que ce soit pareil. C'est tout de suite. C'est instantané. Ouais. L'esprit, c'est instantané. Tout de suite. Ta rencontre, il te rencontre, vous êtes pareil. Seulement, ce qui arrive au cours des années, c'est que vous approfondissez votre propre intelligence. Vous vous confirmez dans votre propre intelligence. Vous vous confirmez dans votre propre profondeur. Moi, j'ai rencontré ma femme en 1970, puis je l'aime pas plus aujourd'hui que dans ce temps-là. Il y a rien de changé entre moi et elle. C'est pareil. C'est au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est instantané. Point final. Tandis que quand c'est l'expérience de l'âme, là, ça prend 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 60 ans avant de se connaître. Il y a des couples qui ont 60 ans, ils ne se connaissent pas encore. Donc, des amis qui vous rencontrent, quand ils en aiment un, ils aiment l'autre aussi, automatique. Évidemment. Parce que c'est le même esprit. C'est le même esprit. S'il reconnaît l'esprit à un, il reconnaît l'esprit à l'autre. Automatiquement. Instantanément. Automatiquement. Sans ça, ça n'a pas d'allure, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui se tient pas? L'opposé de ce que vous dites. Mais, vous seriez un bon avocat, hein? Je créerais plus de confusion que d'instruction. Mais le point que je veux faire, c'est que souvent, il y a des gens qui sont socialement en couple, et puis... un est plus populaire que l'autre, ou disons dans un sens plus l'occasion de se manifester que l'autre, et on lui donne pas la même crédibilité à son partenaire parce qu'il est plus effacé. Comment deux individus qui finalement sont pareils dans l'esprit peuvent cohabiter dans une aussi grande différence dans leur manifestation humaine? Ils ont pas la même créativité, ils ont pas la même vibration, ils ont un esprit harmonisé, mais ils ont pas la même vibration, chacun est individuel à soi. Donc, le même esprit ne veut pas dire la même personnalité. Ben, c'est évident. Savez-vous qu'est-ce que c'est de l'esprit? Je suis là poser des questions. De l'esprit. De l'esprit, c'est de l'intelligence. Donc, de l'esprit, ça a sa source sur un certain plan. Cette énergie-là connecte avec l'âme. Si elle connecte parfaitement avec l'âme, l'esprit qui passe à travers l'âme et qui fait vibrer l'âme fait partie de la relation entre l'âme et l'esprit d'une personne. Et l'autre personne, elle a son âme et son esprit, sa même affaire, fait partie de sa relation ou est en relation avec l'âme. Mais chaque personne qui est dans un esprit universalisé extensionne cette énergie-là dans le monde en fonction de la subtilité de ses corps. Chaque personne a un corps mental différent, chaque personne a un corps astral différent, ainsi de suite. Donc, on est différent. Donc, être pareil, ça veut pas dire qu'on perd notre identité par rapport à l'autre. Être pareil, ça veut dire qu'on est dans le même esprit, on voit les mêmes choses, on comprend les mêmes choses. Tout est évident aux deux en même temps. Bon, l'intelligence universelle fonctionne comme ça. En bas de ça, si on parle de l'intelligence humaine, si on parle de l'intelligence expérientielle, si on parle des facultés mentales involutives de l'âme, si on parle de l'expérience de l'âme, à ce moment-là, on tombe au niveau des personnalités où la femme est comme ça, puis le gars est comme ça, East and West, and both never meet. Alors que les deux devraient facilement se rencontrer. Les gens, quand ils se rencontrent, là, les jeunes, quand tu es à l'université, là, tu rencontres une petite fille, là, bon, vous n'en avez pas gros de différence, hein? Ça marche ensemble. D'ailleurs, c'est ça qui détermine votre évolution là, dans les semaines qui s'en vient, là. Mm-hmm. Lui est fait partout, puis elle est fine partout. C'est au cours des années que lui est pas fin partout, puis elle est pas fine partout. Pourquoi? Parce que la connexion qui s'est faite entre les deux s'est faite au niveau de l'âme, elle s'est pas faite au niveau de l'esprit. Donc, chacun a découvert au cours des années des petites lacunes dans un domaine ou dans l'autre. Mais si les deux s'étaient rencontrés au niveau du mental, au niveau de l'esprit, à ce moment-là, au cours des années, ça se serait simplement développé, ça, cette unification des deux êtres, cette ressemblance, cette osmose des deux êtres. Mais c'est que vous éveillez un point, vous dites, dans un sens, que dans un couple, lorsqu'un individu... Je m'excuse, là, parce que je vais l'oublier. Allez-y. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On parle d'astrologie. Là. Tout le monde parle d'astrologie. C'est quoi ton gars? Ton gars, c'est un bélier. Puis c'est quoi ta blonde? Elle, c'est un bœuf. Il y a tout... Bon. Puis, ce qui arrive... Taureau. Le danger de ça... Je suis d'accord que le bélier a certaines caractéristiques. Puis le bœuf a certaines caractéristiques. Ça, je suis d'accord là. Mais le point que je veux faire, c'est que ces caractéristiques-là sont au niveau de l'âme. Et si ces deux êtres-là, dans leur astrologie personnelle, transcendaient les aspects polarisés de leur astrologie, ils se découvriraient, les deux, ils se découvriraient non pas de la polarité, mais de l'unité dans le mental. Exactement. Moi, ma femme, c'est une sagittaire. Une sagittaire. Réellement sagittaire. Puis moi, j'étais un lion. J'étais un lion double. Pas un cadeau, un lion double. Un lion double, un lion, c'est un beau signe. Dans ce sens que c'est un signe solaire. Mais un lion, ça peut être aussi des problématiques. Premièrement, un lion, c'est orgueilleux. Un lion, c'est généreux. Un sagittaire, c'est ordonné et c'est très juste. Bon. Si je suis un lion, on va prendre mon cas, moi. Je suis un lion. Si je suis orgueilleux, si je me prends pour un smack, puis si je me pense intelligent, puis si je me prends pour Bernard de Montréal, à ce moment-là, la partenaire qui est sagittaire est écrasée. Mais si le lion transcende le côté obscur de son astrologie et comprend, pour des raisons d'études internes, que l'intelligence, ça vient pas de l'ego, que la pensée ne vient pas du moi inférieur, que la pensée vient des plans supérieurs, que la lumière passe à travers l'homme et se manifeste à travers le mental. Donc, à ce moment-là, l'orgueil qui fait partie du côté nocturne du lion, de son évolution, de l'expérience de l'âme, de sa naïveté, de son inconscient, disparaît. Fait que là, t'as un lion qui est capable de manifester à différents niveaux les aspects solaires de sa conscience éveillée. Fait à ce moment-là, t'as un lion qui est le fun, qui est intéressant, qui est pas pesant, qui est pas dominateur, qui est pas orgueilleux, qui peut être aussi sain qu'un Capricorne en famille. Exact. Donc, alors c'est la même chose pour là. Là, tu es une sagittaire par rapport à un lion, très réceptrice, très dévouée. Si elle rentre dans sa force, puis son dévouement n'est pas de l'asservissement, si elle n'est pas servile au lion, si elle rentre dans sa force puis elle transcende les aspects nocturnes ou obscurs de son astrologie, mais elle devient une sagittaire au bout, avec un lion au bout, c'est pour ça qu'on forme un couple au bout, où il n'y a plus d'expérience d'âme, où tu as simplement une relation et un mouvement d'esprit. Et ça, c'est à la portée de tous les hommes sur la Terre. Mais tant que les hommes vont se faire dire par les astrologues, ah ben, tout